إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد، اشتراط الكفر الاعتقادي في المكفرات العملية. دونك mettre la condition de croyance dans les actes de mécréance. هذا مفهوم مقلوب وعقيدة فاسدة. La base sur quoi les Murji'a se sont égarés par rapport à Al-Sunna ou Al-Jama'a, c'est le fait de lier la foi et la mécréance à la croyance du cœur. Et de ce fait, ils sortent les actes de la conception de la foi, min mafhoum al-iman, et que la personne ne peut être mécréant jusqu'à qu'elle croit avec le cœur. Cette aqida s'est répandue, elle s'est propagée, et les prédicateurs en France notamment, portant en eux cette doctrine, sont devenus nombreux et ils l'ont propagée comme un poison dans la Ummah. Parmi des musulmans qui sont tombés dans le piège et ils ont suivi aveuglément ces prédicateurs et ils ont suivi aveuglement Shuyukh Salatin, il y en a qui se sont égarés. Et certains ont cette aqida de Al-Jahm dans sa totalité, comme ceux qui disent que les adorateurs de tombeaux ne sont pas mécréants jusqu'à qu'ils croient que le mort fait du bien et fait du mal. وهذه مصيبة مصيبة كبرى. Ou ici il se base sur la croyance, c'est-à-dire jusqu'à qu'il croit, jusqu'à que la personne qui adore les morts croit que ce mort est digne d'être adoré. Et il s'abstient même certains de faire takfir, de rendre mécréant celui qui se moque de l'islam ou celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète alayhi salatu wa salam. Et parmi ceux qui mettent cette condition de croyance, c'est les savants de Al-Salul, Salafiyatul Tarout, qui sont des purs jahmis dans le chapitre de la foi. Ils voient que celui qui se prosterne pour autre que Allah ne devient pas mécréant jusqu'à qu'il croit que cette idole est digne d'être adorée. Ma hadhihi al-aqida. C'est quoi cette aqida? Subhanallah. Pour eux, celui qui se prosterne pour Lat, ou Al-Uzza, ou Manat, ou Hubal, ou Fir'aun, ou Haman, ou Bashar, ou Salman, il n'est pas mécréant selon Al-Jahm. Jusqu'à qu'il croive. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل شرط ليس في كتاب الله ليس بشرط. Prophète عليه الصلاة والسلام il dit toute condition qui n'est pas dans le livre d'Allah Azza wa Jal n'est pas une condition valable. Maintenant, venons au tashri', à la législation. Le fait de délaisser la législation d'Allah Jalla wa Ala et juger avec des lois humaines, qawanin wad'iyya, est un annulatif de l'islam qui fait aucun doute. وَلَا نَشْتَرِتْ شَرْتْ. Mais quand on parle en détail sur cet annulatif, beaucoup mettent comme condition pour la mécréance du gouverneur qu'il croive au fond de lui que son acte est bien et que le fait de juger avec les lois humaines est meilleur que de juger avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vraiment, donc c'est une remarque, et c'est un détail qui est minime, mais ces gens-là se divisent en deux. Il y a une différence entre celui qui ne rend pas le délaissement de la législation comme annulatif de l'islam et entre celui qui dit c'est un annulatif, mais il met comme condition la croyance. Mais il met comme condition la croyance. Donc pour comprendre cette différence, qui est très importante, c'est que la personne qui ne rend pas le délaissement de la législation comme un annulatif de l'islam, et le rend en réalité tel un péché capital. Il dit que c'est une kabira min al-kaba'ir, tout comme la fornication, boire de l'alcool ou manger des intérêts bancaires. Et celui, il y a celui qui considère que la personne qui a rendu licite le jugement avec les lois humaines, ou préfère celle-ci par rapport aux lois d'Allah, Jalla wa Ala, est un annulatif de croyance, هذا ناقد اعتقادي من النواقد الاعتقادية, comme par exemple rendre licite l'alcool, l'istihlal, et le délaissement de la législation comme une perversité dans l'acte, fusuqan amaliyan. Donc il y en a ils disent oui, c'est un annulatif de l'islam, mais ils mettent comme condition la croyance. Et certains ils disent non, c'est pas un annulatif d'islam, mais c'est une kabira, c'est un péché capital. Et les deux sont égarés. Et pour l'alliance avec les koufars, comme on le voit actuellement, avec les Américains et les coalisés, beaucoup mettent comme condition l'amour pour les koufars, et avoir un penchant vers les koufars. Et considérer que les koufars sont meilleurs que les croyants, à ce moment-là, la personne tombe dans le kufr. Et cette situation est la même que celle qu'on a vue précédemment par rapport à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'alliance avec les koufars, al-mu'alat, et c'est l'annulatif numéro 8, comme vous le savez, et on ne prend aucune condition. Et les versets dans le Coran sont clairs. On a dit, alayhi sallatou wa sallam, les rajoulin la assa'inu bi mushrik, repars, mais je ne prends pas comme allié un mushrik. Les versets sont clairs. Et le sens de l'alliance avec les mécréants, pour eux, elle est basée sur la compréhension de Al-Jahm ibn Safwan dans le Irja. Et c'est lié les actes de mécréance et les dires de mécréance au cœur, c'est-à-dire la croyance al-i'tiqad. Ils ont rendu l'alliance avec les mécréants contre les musulmans un acte qui ne fait pas partie des actes de mécréance jusqu'à ce qu'ils approuvent et déclarent ouvertement sa satisfaction envers les koufars. Et si on suit leur aqida et leur minhaj, celui qui se dit musulman et guide les armées de la croisade contre les musulmans n'est pas mécréant. Allah al-musta'an wa la kassara Allah min amthalihim wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'i al-husna wa sifatihi al-ula an yahdiyana wa an yubayyana lana al-tariq وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك